pacifier l'Algérie, faire en sorte qu'elle soit pour toujours de corps et d'âme avec la France, organiser sur le mode fédéral les liens de notre métropole avec les peuples associés d'Afrique et de Madagascar, établir sur la base de la coopération nos rapports avec le Maroc, la Tunisie, les États d'Indochine, dans le monde occidental, auquel nous appartenons sans devoir nous y confiner, prendre une place qui nous soit propre, mener une action qui soit notre action en vue de servir à la fois la paix et la sécurité. Deux mois après, du 20 au 29 août 1958, le général de Gaulle effectue une tournée dans plusieurs capitales africaines. Le but de ce voyage est de présenter aux populations son projet de communauté. C'est à Brazzaville que nous l'écoutons. Brazzaville, ce lieu symbolique entre tous pour l'ancien chef de la France libre, aujourd'hui à la tête du gouvernement.